par deux fous furieux. Aussi, je pense qu'il nous faut passer à l'action. Voilà que vous recommencez à penser. C'est ce qui va causer votre perte. Ces hommes sont des tueurs condamnés et des fugitifs. Ils ne resteront pas longtemps dehors. Nous n'allons pas nous fier à la police pour régler un problème pareil. Et j'insiste. Redescendre vite la sécu pour Machiavelli qui dit qui tue. Qui quittait. Son Altesse Mehdi Mesrine et le DJ. Ainsi soit-il, les halls de la tête, on n'a toujours pas quitté. Je suis pas ce qu'on a gâté, mais à guichet jugé, condamné à la barre, jamais acquitté. Dégagé d'année dans le Tchekar, à ne plus jamais le quitter. Juste réalité. Les choses ont empiré, prennent une mauvaise tournure. S'aventurer dans ces mauvais, j'ai pris la sortie de secours. Les gens restent sous un autre appel au secours. Pourtant, missionnaire, au parleur pour se détour. Oh my god, ils savent pour la monnaie des croyants arabes. Qui sait peut-être après si c'est pas nous qui va le prendre. Cibler son mais sera passible de la peine capitalise en tremble. L'avenir reste à craindre, mais nos vies sont pas à prendre. Et on se divise et ils nous menacent. La devise regroupe et la masse. La diable est un certain fric qu'on nous chasse. Nous tentons de s'en sortir par des moyens qu'elles ont eux-mêmes mis en place. On se divise et ils nous menacent. La devise regroupe et la masse. La diable est un certain fric qu'on nous chasse. À l'âme légale, on faille à bonne, c'est bon, taille à ça, est-ce qu'on parle. Mais pourquoi tant de jeunes talents sont contraints de rester au bas niveau? Parce que la vie dans le ghetto tu haïs. Qui les anime? Le racaille sans. Kai King, Mehdi Mesrine, Artika, Owal, El DJ, Pyroman, Dragon, Divya. Viens la masse de ganja man. Allume ton spliff et ne calcule pas la flicaille. Shit, skunk, pollen, topé pour les fumeurs de car à Paris. Les bandits ne sont jamais à l'abri des PJ. Qui les oppressent, les pressent, tu renouis les tracts. Mais pas d'être au-dessus de l'autre dans le Mighty. Pour la face, t'es que le 9-4, Dragon et Mehdi, rendez-vous de matraque. Pour ceux qui poussent dans la misère et qui fleurent vie de